Le mot chinois pour dire loin ou être loin, c'est l'un de ces adjectifs avec le verbe être intégré, comme bien ou occupé, être occupé, qui se soumettent tous à la règle des deux syllabes que nous avons vues. Alors, loin ou être loin se dit yuan, yuan, les rouges de la victoire, yuan. Ce yuan, est-ce le même que la monnaie chinoise, le yuan? Le ton est différent. Pour la monnaie, c'est yuan, alors que pour dire loin, c'est yuan. Et donc, ce sera le ton de quel doigt pour la monnaie? Doigt bleu levé. Ah oui, d'accord. Quand vous irez en Chine, vous entendrez souvent parler de la monnaie, avec le doigt bleu levé. Mais en ce moment précis, nous nous concentrons sur être loin, qui se dit yuan, les rouges de la victoire. Bon, je vais vous raconter encore une de mes petites histoires. Un vieillard menait son âne chargé de blé, mais celui-ci refusait obstinément d'avancer, et le vieillard tirait sur la corde en criant « Yuan !» Le moulin est encore loin. Yuan. Sa maison est loin. Sa maison. Ta de. Jia. Être loin. Yuan. Ce mot fonctionne avec la règle des deux syllabes. Donc, que doit-on ajouter ici pour obtenir deux syllabes? Le mot vide. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas une question et ce n'est pas une négation. Oui, c'est exact. D'accord. Ta de jia hen yuan. Sa maison est loin. Ta de jia hen yuan. Comment dites-vous, sa maison n'est pas loin? Ta de jia pu yuan. Comment dites-vous, loin, être loin? Yuan, yuan, yuan. Donc, encore une fois, sa maison n'est pas loin. Ta de jia pu yuan. Sa maison n'est pas loin. Ta de jia pu yuan. Sa maison est-elle loin? Ta de jia yuan hen yuan. Et dans ce cas, c'est une question. Ma. Et donc, nous ne pouvons avoir que deux syllabes ici. Mais vous avez trois syllabes, donc vous devez choisir celle que vous allez garder. Ta de jia yuan ma. Comment dites-vous être loin? Yuan. Oui, yuan. Et comment dites-vous maison? Jia. C'est ça, jia. Alors reprenons cela encore une fois, s'il vous plaît. Sa maison est-elle loin? Ta de jia yuan ma. Sa maison est-elle loin? Ta de jia yuan ma. Sa maison n'est pas trop loin. Ta de jia bu tai yuan. Sa maison n'est pas trop loin. Ta de jia bu tai yuan. Notre maison est très loin. Wo men de jia tai yuan. Comment dites-vous très? Ren. Alors, comment dites-vous notre maison est très loin? Wo men de jia ren yuan. Comment dites-vous être loin? Yuan. Yuan. Yuan. Yuan. Yuan. En pinyin, la transcription du chinois en caractère romain, yuan, s'écrit YUAN avec le V rouge de la victoire. YUAN. Yuan. Donc, notre maison est très loin. 我们的家很远. Dites, vraiment? Elle dit que ce n'est pas loin. Littéralement, elle ne pas être loin. 真的吗? 她说, ce n'est pas loin. 她不远. Vraiment? Elle dit que ce n'est pas loin. 真的吗? 她说她不远. Et vous remarquerez ici qu'on ne traduit pas « que ». En chinois, pour dire « elle dit que ce n'est pas loin », on dit simplement « elle dit, elle n'est pas loin ».